Bien, bonsoir. Il n'est pas très, très habituel de connaître précisément l'acte de naissance d'un livre. En ce qui concerne ce livre, donc Nostalgérie, je peux vous donner précisément la date. C'est le 18 mars 2012. Pourquoi cette date précise? Pourquoi cette marque dans ma mémoire? Parce que tout simplement, le 18 mars 2012, nous étions un certain nombre avec l'association des amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun, qui avait organisé un colloque à Évian. Donc, le 50 ans plus tard, le jour même, le 18 mars, 50 ans plus tard, nous étions présents. Et nous avons été accueillis, le mot est d'ailleurs mal choisi, par un comité d'accueil composé d'anciens paras qui étaient, malgré leur âge, toujours assez impressionnants, d'Arki, et puis de Pieds Noirs Nostalgériques qui étaient assez vociférants. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis interrogé sur les causes de la persistance du phénomène. Je me suis dit, comment se fait-il que 50 ans plus tard, nous soyons encore en butte à cette agressivité? Je peux vous assurer, c'est l'une des rares fois de ma vie où j'ai été protégé par la police. Mon activité militante, en général, était plutôt le contraire. Il me faisait plutôt courir. Mais là, on était protégé par la police parce que ces gens-là étaient manifestement prêts à nous ficher sur la figure au nom de la préservation de leur idée de l'Algérie française. Donc voilà, c'est une anecdote, mais qui montre la prégnance encore. Donc voilà, c'est le point de départ. Interrogation également sur le fait que la guerre d'Algérie a été le premier moment, peut-être même le seul moment dans l'histoire coloniale où je dirais que la question coloniale a explosé au visage de la société française. Je m'explique. Dans les périodes qui avaient précédé, la question coloniale était bien sûr connue, ne serait-ce que par les écoliers des écoles de la Troisième République, par les lecteurs de la presse, par les gens qui allaient au cinéma, qui voyaient Pépé le Moko, qui voyaient Un de la Légion, qui voyaient Le Grand Jeu, enfin tous ces films-là, qui écoutaient Ravadja la Moukère ou qui écoutaient Matankiki et Matankinoise. Donc voilà, tout ça c'était l'ambiance, l'air du temps. Mais la question coloniale était, disons, bien sûr pénétrée dans les esprits, mais d'une façon relativement superficielle. Elle n'était pas au quotidien et elle n'était pas dramatiquement au quotidien. Avec la guerre d'Algérie, les choses ont changé et la guerre d'Algérie a vraiment investi, la guerre d'Algérie, dont par ricochet, bien sûr, la question coloniale a littéralement investi la société française pendant plusieurs années. Donc, ne serait-ce que par le fait que beaucoup de familles de France avaient un oncle, un cousin, un mari, un fils qui était en Algérie, que ces familles craignaient, que ces familles voyaient également que la guerre d'Algérie était venue sur le sol de la métropole, ne serait-ce que par l'initiative du FLN en 58 de porter la guerre en métropole, et ensuite, bien sûr, l'activité de l'OAS, toutes les craintes liées au d'abord à mai 58, le changement de république, ensuite la crainte du putsch. Vous rappelez, enfin les plus anciens se rappellent en tout cas Michel Debré appelant à la télévision les Français à descendre dans la rue pour aller au-devant des parachutistes, et donc la dramatisation. En tout cas, cette dramatisation avait vraiment été intériorisée par beaucoup de familles françaises. Donc ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, plus spécifique sur l'OAS, c'est que je vais essayer de vous donner quelques repères chronologiques, mais je vous donne les deux principaux de fils. L'OAS a été créée, toutes les études historiques, la mienne n'est pas la première, d'ailleurs, je le dis au passage, toutes les études historiques situent la naissance de l'OAS à Madrid, le 11 février 1961, et là, on peut considérer que la fin de l'OAS, c'est à peu près 63 avec l'exécution de Bastien-Thiry, où le dernier activiste qui a rendu les armes, plus exactement qui a été pris, c'est Gilles Bussia, le 8 avril 65. Donc vous voyez, 61-65, 3 ou 4 années d'histoire française, c'est vraiment pas grand-chose, et pourtant, cet OAS a fortement, avec toute la queue de la mouvance Algérie française, cet OAS a fortement imprégné et donc marqué l'histoire française. Alors, sur les causes de ce malaise, d'abord, la première chose, c'est que la société française avait été avait connu donc ces 132 années, enfin lorsque la guerre d'Algérie commence, 124 années d'histoire coloniale, et donc la société française était marquée, connaissait cette histoire coloniale. Et puis le fait que la mouvance Algérie française était puissante, je crois qu'il faut qu'on ne fasse absolument pas d'anachronisme ici. Il faut bien penser que certes l'OAS a été un petit peu une queue de phénomène, que certes l'OAS a été à la fin de la guerre d'Algérie le dernier bastion des partisans acharnés et agressifs et meurtriers de l'Algérie française, mais que l'Algérie française avait imprégné la société française dans son ensemble jusqu'au cœur de la guerre d'Algérie. Lorsque François Mitterrand en novembre 54 dit l'Algérie c'est la France, et avec lui beaucoup d'autres hommes politiques. Il ne dit pas que ce n'est pas une profession de foi pour se convaincre lui-même ou pour convaincre les Français, car les Français étaient déjà convaincus. La question de l'appartenance de l'Algérie à la communauté française ne se posait pas. Donc il y a eu véritablement cette imprégnation. Et puis donc progressivement, l'OAS a été marqué. La vie de l'OAS a été marquée par une certaine spécificité, à savoir que contrairement aux autres mouvements qui étaient extrémistes, l'OAS était le fruit d'une alliance, en tout cas d'une convergence. L'alliance, elle a été ensuite conflictuelle, mais en tout cas d'une convergence d'observation et d'intérêt et de militance entre une partie de la population pied-noir, une grande partie des cadres de l'armée. Vous vous souvenez l'histoire de la revanche de Dien Bien Phu, la revanche de la guerre d'Indochine, le fait qu'une grande partie des officiers de l'armée considéraient que après l'Indochine, il n'était plus question de faire un nouveau pas en arrière. Une partie de l'appareil d'État, et puis une partie de la droite française qui a été symbolisée longtemps par le général de Gaulle lui-même, au moment où il est arrivé au pouvoir, et on peut dire la première année de sa présence au pouvoir, et puis également des gens du monde politique qu'on appelait à l'époque modéré, des gens comme Georges Bidault, par exemple. Le parcours de Bidault est quand même assez extraordinaire. Il est passé de la présidence du Conseil national de la résistance à la présidence de l'OAS. C'est quand même des choses qui sont assez faramineuses. Cette convergence a été ensuite marquée par une circonstance aggravante, à savoir le fait que la société française a très longtemps méconnu la question algérienne, et que le monde politique français chez ses dirigeants a été très longtemps fait preuve d'impuissance et de capitulation face aux exigences du monde des Européens d'Algérie, du monde des colons. Donc il y a une sorte de mélange détonnant entre, d'une part, la résistance du monde des colons, des plus conservateurs, mais qui était quand même très très majoritaire au sein du monde des pieds noirs, enfin qu'on n'appelait pas encore les pieds noirs. Donc cette résistance à toute forme de réforme et la timidité, pour ne pas dire la capitulation, des gouvernants français. L'exemple le plus caractéristique étant l'échec du projet Blum-Violette de 1936, qui a fait que les hommes politiques du grand colonat algérien avaient pris l'habitude de dicter leurs lois, pour tout ce qui était en tout cas des questions algériennes, dicter leurs lois à la métropole, et donc de considérer qu'ils étaient les seuls à connaître la question algérienne et les seuls à pouvoir parler avec ces gens-là, étant les indigènes, étant les musulmans, étant les colonisés. Oui, je cite dans mon livre un livre de l'ancien gouverneur général de l'Algérie, qui s'appelait Maurice Violette, qui a été en place de 1927-28 à juste avant le centenaire, 26-27 à 28-29, qui écrit en 1931 un livre qui s'appelle L'Algérie vivra-t-elle? Et Violette pose la question, donc c'était un homme politique plutôt conservateur, enfin il était au Parti radical, mais à l'époque le Parti radical était un parti, disons, très très colonialiste. Violette pose la question, l'Algérie vivra-t-elle? Sous-entendu, l'Algérie française vivra-t-elle? 1931. Son argument, c'est de dire, s'il n'y a pas de déblocage de la situation s'il n'y a pas une volonté politique du centre, c'est-à-dire de Paris, du monde politique parisien, de débloquer la situation et d'imposer au grand Colonna des réformes, eh bien, il y aura une explosion, et donc cette explosion surgira donc en 1954. Donc je vais très vite sur cette première période, juste pour signaler que si on essaie de se mettre à l'intérieur du raisonnement de la grande majorité des Européens d'Algérie, à chaque fois je suis obligé bien sûr de prendre toutes les précautions, si on se met à l'intérieur du raisonnement de la grande majorité des Européens d'Algérie, il y avait comme une sorte d'image qui masquait la réalité. Cette image est celle de l'Algérie heureuse. On a vraiment la sensation, en lisant beaucoup d'ouvrages de l'époque, mais également des ouvrages de mémoire, beaucoup, encore une fois pas tous, mais beaucoup de cette image d'une sorte de société harmonieuse dans laquelle les communautés vivaient côte à côte et vivaient d'une façon relativement agréable finalement. Bon, les images de la plage, de l'apéro le soir, la truculence pied noir, etc. Toutes ces choses-là qui ont en quelque sorte ont masqué. Peut-être même à leurs propres yeux d'ailleurs, ont masqué la réalité de la société telle qu'elle était, c'est-à-dire une société de juxtaposition. J'ai retrouvé le mot sous la plume de divers observateurs. Le premier, c'est Tocqueville, qui n'était pas précisément lui non plus un progressiste. Et Tocqueville, en 1841, dit la société algérienne est une société de juxtaposition. Il y a deux communautés qui vivent côte à côte sans se comprendre. Et évidemment, l'une des deux, c'est celle qui a le pouvoir économique, politique, et qui a pour elle la force des tribunaux, de la gendarmerie et de l'armée. Et comme la réalité est rétive au schéma, évidemment, la société indigène, la société algérienne se révoltait, la société algérienne refusait ce type de schéma, soit sous forme violente, soit sous forme d'organisation politique, je pense à l'étoile nord-africaine de Messali Hadj, par exemple. Et donc, la société des colons a considéré qu'elle était en permanence en état de légitime défense face à des gens qui venaient troubler cet ordre colonial, qui venaient troubler cette Algérie heureuse. Et il y a très tôt, pratiquement dès les débuts de l'Algérie française, ce que j'ai appelé la culture de la milice, c'est-à-dire la volonté d'une grande partie de la population européenne de s'armer pour résister justement à cette agressivité présumée des indigènes, et donc être en état de pouvoir défendre leur Algérie heureuse. Je vais très vite pour juste dire que la guerre d'Algérie donc est finalement l'aboutissement de toute cet amas d'explosifs, je dirais, qui finalement ont explosé donc le 1er novembre 1954. Beaucoup de livres, et j'ai lu pour préparer mon bouquin beaucoup de mémoires d'anciens d'Algérie française, et en particulier d'anciens de l'OAS, beaucoup de livres commencent le 1er novembre 54, sur le thème regardez comme ils sont venus troubler ce bel ordre. Ce sont des fanatiques, ce sont des éléments extérieurs manipulés par le Caire, manipulés par Moscou, et auparavant les choses étaient bonnes. Donc moi, la démonstration que j'essayais de faire, c'est de montrer que le 1er novembre 54 était finalement l'aboutissement inévitable de toutes les contradictions et l'aboutissement inévitable de tous les échecs de réformes et de tous les mouvements qui ont été réprimés. Je pense en particulier à 1945. Beaucoup de témoins disent que la révolte du Constantinois, noyée dans le sang en 1945, a amené beaucoup de nationalistes algériens à se dire eh bien, puisque toutes les autres solutions ont abouti à une impasse, et toutes les solutions, les préconisations de réformes intérieures du système ont abouti à une impasse, et bien l'insurrection est la seule solution possible. Donc évidemment, cette culture de la milice a été immédiatement remise en explosée de nouveau dans le monde des petits pieds noirs. J'ai noté que le premier assassinat d'un Algérien après le 1er novembre 54, donc quoi, date du 18 novembre 54, c'est un cordonnier de la Casbah qui était un militant du MTLD, donc du mouvement de mésalliage, un militant du MTLD qui est assassiné le 18 novembre 54. Donc je vais très vite, mais pour bien montrer que, encore une fois, on n'est pas encore arrivé à 61 au début de l'OS, mais on a véritablement déjà, dès ce moment-là, dès les tout premiers jours de la guerre d'Algérie, ça va s'accentuer avant la formation de l'OS. Je pense par exemple aux manifestations de 56 contre l'avenue de, enfin contre l'initiative de Guimolet le 6 février 56, la manif pour empêcher Albert Camus de parler. Bon, la fameuse manif où on a crié Camus à mort, Camus ta gueule. Enfin, c'est une chose qu'on a entendue dans les rues d'Alger. Et à chaque fois, on va retrouver des. Bon, je peux pas vous donner tous les noms, mais les organisateurs de ces manifestations, donc pré-OAS, sont tous des gens qu'on va retrouver ensuite à l'OAS. Je pense au préfet Acquiari, par exemple. Je pense à Jean-Claude Pérez. Je pense à venu de métropole Alain Griotrep, qui aura ensuite une brillante carrière dans le mouvement giscardien, etc. Donc voilà, tous ces gens-là sont déjà prêts à organiser un mouvement qui va essayer d'aller à l'encontre de l'histoire. Ce noyau d'activistes de l'Algérie française va un temps placer ses espoirs dans la venue du général de Gaulle. Donc on sait que la venue du général de Gaulle a été faite grâce à la conjonction d'intérêts de ces gens-là, de réseaux gaullistes, de membres de l'armée. Je pense à Massu, je pense à Salan, tous ces gens-là. Bon, donc ensuite, je vais très vite sur les désillusions qui ont succédé à l'arrivée de de Gaulle. Donc en gros, l'année qui succède à mai 58. C'est-à-dire entre mai 58 et septembre 59, en gros, c'est une période de grande désillusion. Et à partir de 59-60, les activistes de l'Algérie française vont considérer que leurs espoirs mis en De Gaulle et dans diverses autres solutions s'étant écroulés, il faut qu'ils s'organisent eux-mêmes ce qu'ils ont appelé une armée centralisée, une organisation armée secrète, de manière à avoir vraiment unifié toutes leurs forces et être en quelque sorte le dernier recours. Et l'OAS, qui va donc être créé en février 61 à Madrid, sera donc présenté à leurs propres yeux, mais également aux yeux de la population européenne, comme ce dernier recours, comme c'est en quelque sorte et l'épée et le bouclier. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté de dire nous sommes là pour protéger la population européenne d'Algérie et nous sommes là également pour donner des coups à ceux qui veulent détruire ce bel édifice de l'Algérie heureuse. Donc on va retrouver ici, et c'est ce qui va faire la force de l'OAS, d'une part ces activistes civils dont j'ai parlé longuement, mais également après le putsch d'avril 61, donc je vous rappelle, février 61, création de l'OAS, avril 61, putsch des généraux, et après l'échec du putsch, eh bien l'OAS va avoir un recrutement idéal, un recrutement inespéré, c'est-à-dire les centaines d'officiers supérieurs, et enfin les dizaines d'officiers supérieurs et les centaines de sous-officiers qui étaient restés à l'Algérie française, qui ont refusé la solution gaulliste et qui donc sont entrés dans la clandestinité. Certains ont été arrêtés, ensuite libérés, et d'autres sont entrés immédiatement dans la clandestinité, et immédiatement l'OAS va avoir donc cette force de frappe qui va être extrêmement impressionnante, parce que quand on décortiquera par la suite leur organisation, on s'apercevra que quantitativement ce n'était pas énorme. On considère qu'il y avait à peu près entre 500 et 1000 hommes armés, véritablement armés. Je parle pas des gens qui avaient un flingue dans la poche et qui ne s'en servaient pas, mais les gens qui vraiment les activistes qui portaient les charges de plastique, qui faisaient les attentats, qui tiraient sur les musulmans ou sur les Français, étaient à peu près moins d'un millier en tout cas. Mais ce millier va être extrêmement actif, extrêmement dangereux, et va réussir à instaurer l'insécurité totale sur le territoire algérien, et ensuite fuite en avant, porter l'insécurité totale sur les territoires de la métropole. Donc à partir de le dernier trimestre 61, ils vont décider de porter donc l'insécurité sur le territoire français, et à partir partir de ce moment-là, il va y avoir des attentats au plastique, il va y avoir des assassinats, il va y avoir des tentatives même d'assassinat du général de Gaulle, du chef de l'État. Donc voilà, ce groupe va être extrêmement actif, et il va s'appuyer donc au sein de la population européenne sur un consensus. Je crois qu'il faut regarder cette réalité en face. La population européenne n'était certes évidemment pas toute OAS. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient des libéraux, des progressistes, des communistes qui étaient dans la clandestinité depuis 55. Mais ces gens-là vont être totalement réduits au silence, ou une partie de ces gens-là vont passer dans le camp de l'Algérie française et devenir eux-mêmes des activistes. Donc on peut dire, si on a en tête la formule assez célèbre de Mao sur le militant qui doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau, que les gens de l'OAS ont réussi cette opération, à savoir être considérés par la grande majorité de la population européenne comme un bouclier, comme leur ultime espoir. Et évidemment, les choses vont aller en se dégradant, puisque, comme vous le savez, le général de Gaulle était quelqu'un qui avait une vision, je ne l'idéalise pas, mais qui avait une vision politique globale, internationale, et qui avait des ambitions pour la France, et qu'à partir du moment où de Gaulle a décidé que l'Algérie était devenue, il l'a dit d'ailleurs dans une conférence de presse célèbre, il a employé une formule, la décolonisation notre intérêt et donc notre politique. Donc c'est pas très romantique, c'est pas du tout sur des bases humanistes, mais c'est notre politique, parce que l'intérêt de la France est de passer à autre chose et de passer à la construction européenne et de conquérir le leadership en Europe, d'avoir une armée plus moderne, etc. Donc de Gaulle prend cette décision et n'en changera plus, ce qui ajoutera encore à la rage des gens de l'OAS, qui étaient habitués, enfin les gens du grand colonnat, qui étaient habitués à ce que les gouvernements capitulent devant eux. Voilà, donc juste une dernière chose sur l'idéologie de l'OAS. J'ai à plusieurs reprises, mais j'ai pas pu lire mes notes, mais évidemment tout est dans le livre. À plusieurs reprises, j'ai parlé de l'extrême droite. L'idéologie de l'OAS est une idéologie très composite. Je dirais qu'il y a un tronc commun. C'est la préservation de l'Algérie française, notre terre, notre pays, c'est l'Algérie. Et ces gens, dont beaucoup d'ailleurs ne faisaient pas beaucoup de politique avant 1954, n'auront pas beaucoup d'autres programmes. Le programme, c'est donc garder l'Algérie française, combattre les ennemis de l'Algérie française. Donc il y avait un anticommunisme absolument militant, délirant, un antigaullisme qui subsiste d'ailleurs sur les sites aujourd'hui, on les trouve. Donc c'est plus une addition d'anti qu'une idéologie structurée. Il y avait évidemment également parmi eux un certain nombre de gens qui se réclamaient de l'idéologie fasciste, qui se réclamaient d'ailleurs plus du salazarisme que du fascisme, avec des solutions corporatistes, avec une sorte de travail famille patrie à l'algérienne en quelque sorte, et ils avaient bien sûr des idéologues, je pense à Jean-Jacques Susini, des gens comme ça. Mais d'une façon générale, ce qui les liait, c'était surtout donc cette crainte. Je cite dans mon livre, pour parler un petit peu de l'adhésion du petit peuple pied-noir. Je cite dans mon livre une actrice que vous connaissez tous, Marthe Villalonga, qui est vraiment l'exemple même de la mère sympathique, et qui pendant un moment répond à un journaliste, c'était dans un documentaire qui s'appelle La mère patrie, la mère L'apostrophe, elle répond à un journaliste, on était au OAS parce qu'on voulait pas être tous égorgés par le FLN. Voilà. C'est-à-dire que hors de question, bien sûr, de sous-estimer cette crainte, d'une part, qui était réelle, qui était humainement respectable, et également cette réalité. Il est bien évident qu'il y a eu des Européens qui ont été tués, et là, ça, au rang, à l'été 562, c'est une chose qui a explosé. Mais, je veux dire, cette façon de vivre les choses inverse totalement la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en réalité, donc c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que si on regarde le nombre de morts algériens, le nombre de morts français de la guerre d'Algérie, évidemment, la disproportion est énorme. Et j'ajoute que les morts de, je terminerai peut-être sur ce chiffre, on estime qu'il y a à peu près, selon les études, entre 1800 et 2400 morts dus à l'activité de l'OAS dans toute la période. Bon, par rapport aux centaines de milliers de morts de l'ensemble de la guerre d'Algérie, ce n'est pas un chiffre énorme. Mais par contre, évidemment, il faut souligner que ces morts étaient des morts sans défense, qui étaient des morts qui ont été lâchement assassinés. C'était pas des gens qui étaient au combat face à des adversaires. C'est des gens qui ont été assassinés. Donc déjà c'est beaucoup. Et j'ajoute que 80% des victimes étaient des musulmans, avec les guillemets nécessaires, mais en tout cas des indigènes. Donc il y avait véritablement là aussi une dimension raciste. Je rappelle quand même que l'OAS, à la fin dans les tout derniers jours de l'Algérie française, a décidé des journées de quoi. Eh bien, il y avait ensuite un nom de corporation qui suivait. Il y a eu la journée des postiers, c'est-à-dire que les gens de l'OAS considéraient que les postiers, donc musulmans bien sûr, les employés des PET, étaient susceptibles de devenir des agents du FLN et donc ont été tués dans la rue. Il y a eu la journée des Fatma, au cours de laquelle les femmes de ménage algériennes qui allaient à leur travail chez des patrons européens ont été tuées dans la rue. Il y a eu la journée des pharmaciens, au cours de laquelle les pharmaciens musulmans étaient tués dans leurs officines, avec en plus un pharmacien français courageux qui s'est interposé, qui a été tué. Donc voilà, c'était un petit peu toute cette haine qui a explosé et qui a finalement bouché l'horizon de toute une communauté. Évidemment, je ne prétends pas que l'exode de 62 est dû seulement aux exactions de l'OAS, mais les exactions de l'OAS ont été pour beaucoup dans l'aggravation de la situation et dans la tension, dans le fossé de sang qui s'est instauré. Tous les reportages sur les dernières semaines, ou même on peut dire les 3-4 derniers mois de la guerre d'Algérie en ville, étaient absolument terribles. On se tuait pour rien dans les villes. Bon, je voudrais juste terminer par une citation parce que je l'aime bien et d'autant plus qu'elle émane de Jules Roy. Jules Roy, c'est forcément un nom qui vous dit quelque chose. Moi, j'aime bien son parcours parce que d'abord, les gens qui ont été de la droite à la gauche, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire française. Et Jules Roy fait partie de ceux-là. Je vous rappelle qu'il était natif d'Algérie, officier supérieur. Il était lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Et il a commencé, idéologiquement parlant, dans les rangs du pétainisme. Il a rejoint la résistance ensuite. Et pendant la guerre d'Indochine, d'abord, il a quitté l'armée pour protester contre les tortures. Et ensuite, pendant la guerre d'Algérie, il a eu le comportement courageux que l'on connaît. Et je voudrais vous lire un texte de Jules Roy. Ça concerne pas directement l'OAS, ça concerne les partisans de l'Algérie française. Et c'est dans un livre que vous connaissez forcément, surtout à la LDH, vous le connaissez. C'est « J'accuse le général Massu », écrit par Jules Roy. Et Jules Roy s'adresse au général Massu, et ce sera en ce qui me concerne ma conclusion, par la voix de Roy. Donc, citation, croyant trouver en vous, donc en vous, au général Massu, croyant trouver en vous un sauveur, c'est naïf, les pieds noirs se sont précipités derrière vous, vers le gouffre. Les vrais défenseurs de leur avenir, donc des pieds noirs, étaient ceux qui essayaient, malgré vous, qui vous ont tenu à la lettre de vos directives, qui essayaient donc, malgré vous, de sauvegarder les chances d'une coexistence entre les deux communautés. La victoire ne va pas à celui qui torture, mais à celui qui a raison. Germaine Tillion, cette femme courageuse que vous insultez, a mieux défendu les pieds noirs que vous, qui fûtes le préparateur des malheurs que nous voulions leur épargner.